Ce vendredi, à la vie en BD sur les ondes du 89.1, on parle d'une BD au profit des impatients, on parle d'un concert dessiné et on parle de la prochaine rencontre des rendez-vous de la BD. Bon vendredi à tous et à toutes. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 pour parler bande dessinée, pour explorer l'univers du 9e art. Et tel que mentionné, ce sera une exploration assez large avec un caractère assez événementiel également. Événementiel puisque notamment en deuxième demi-heure, on parlera d'un concert dessiné, la formation Rob Bob avec les dessinateurs Catherine Lemieux et Alex Carou, qui offre Codilla versus Poutine, donc un lancement d'album, un lancement de recueil de dessins également. On est dans l'événementiel. On est dans l'événementiel également avec la prochaine rencontre des rendez-vous de la BD qui a lieu mercredi prochain. Donc, Michel Giguère qui sera de passage pour nous mettre la table en route vers cette rencontre. Et la table sera mise avec le portrait de 5 dessinateurs, 5 scénaristes qu'il dit être en béton, donc des incontournables. Qui sont-ils et pourquoi les a-t-il ciblés? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir au fil donc de cette rencontre. Sinon, dans l'événementiel également, puisque cette fin de semaine est lancé la bande dessinée Un moment d'impatience, un ouvrage collectif au profit de la Fondation Les Impatients. Et je dis événementiel parce que, notamment pour le lancement, il prévoit présence de presque une quinzaine d'auteurs, scénaristes et dessinateurs qui seront sur place avec des dédicaces et le reste. Alors, l'album prend un caractère aussi assez événementiel, si l'on peut dire. Également, en cours d'émission, Stéphane Gravel sera de passage avec nous pour nous partager ses commentaires BD. Dans l'actualité cette semaine, ben notamment, vous l'avez peut-être vu passer sur les médias sociaux et vous le savez sûrement, il est tradition que l'auteur de BD élu Grand Prix de la ville d'Angoulême et de fait président de l'édition du festival suivant dessine l'affiche de la manifestation. Et lors du festival 2014, quand on a été nommé Bill Watterson comme Grand Prix, les gens se sont demandé ben de A, va-t-il venir et de B, va-t-il faire l'affiche? Eh ben, on a eu la réponse. Va-t-il faire l'affiche? Oui. Va-t-il venir? Non. Il faut dire que pour ceux qui ne connaissent pas Watterson, c'est un peu le régent du charme de la BD. On ne sait pas s'il existe toujours, en exagérant un brin. En fait, réalistement, c'est seul son éditeur américain qui a des contacts directs avec lui, mais sinon, personne n'a eu l'occasion de le croiser depuis moult années. Et même si Watterson a choisi l'anonymat depuis le brusque arrêt de sa série Calvin et Hobbes en décembre 95, il a choisi de ne pas déroger de la tradition. Son affiche a été dévoilée en cours de semaine. Elle se présente sous la forme d'un strip en une d'un journal. L'Américain a déclaré en entrevue à 20 minutes qu'il ne serait pas, cela dit, présent pendant le festival. Et si vous avez envie de voir justement cette affiche, ben vous fallait faire un tour sur le Facebook de La Vie en BD, donc facebook.com/La Vie en BD, ou également, je l'ai diffusé sur mon blog, voir.ca/Raymond-Poirier. Dans d'autres actualités, pour sa 17e édition, le Festival des rendez-vous de l'histoire qui s'est tenu à Blois en octobre 2014 a décerné son prix Château de Cheverny de la bande dessinée historique à l'auteur d'un album qui s'est distingué par la qualité du scénario, la valeur du dessin, ainsi que le sérieux de la reconstitution historique qui y est présentée. En l'occurrence, c'est la vision de Bacchus de Jean Dittard, publié chez Delcourt, qui l'a emporté. Un excellent album qui était en compétition avec une soixantaine d'autres titres. Je vous rappelle que la vision de Bacchus se suit dans la Venise de la Renaissance. Le peintre Giorgione, qui est sur le point de mourir de la peste. Et enfin, on avait parlé de la fin de Naruto, cette série manga rendue à peu près quoi, 700 tomes. Eh bien, donc, Naruto se termine dans 2 jours, mais il semblait assez difficile d'abandonner complètement ce succès. Alors, rien qu'en France, enfin, on rappelle, chaque tome se vendait à peu près à 100 000 exemplaires. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, selon l'hebdomadaire japonais Weekly Shonen Jump, une suite devrait paraître au printemps 2015, prévue en 3 tomes maximum, qui devrait mettre en scène les héros devenus adultes. Alors voilà de quoi peut-être rassasier un peu les fans de la série. En musique cette semaine, c'est toujours sur l'étiquette 8-Bit People. Enfin, on va une petite série dédiée à cette étiquette web. Et cette semaine, on écoute la formation Eltron avec leur album Connected. Et voilà, toujours sur les ondes du 89.1, donc musique 8 bits qui accompagne la vie en BD. Et tel que mentionné d'entrée de jeu, donc les Impatients qui offrent maintenant un album BD après avoir exploré d'autres propositions au fil des années, d'autres propositions pour inciter les gens évidemment à contribuer, à collaborer, à encourager et à faire connaître aussi cet organisme. Eh bien, ils se consacrent maintenant à la BD. C'est un recueil qui réunit 21 dessinateurs et 21 illustrateurs, un recueil qui a été coordonné par le dessinateur et scénariste Mario Malouin, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et pour contextualiser l'ouvrage, il est accompagné du directeur général de la Fondation Les Impatients, François Palardy. Bonjour. Frédéric. Bonjour. Bonjour quand même et merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Et peut-être, Frédéric Palardy, mettons les bases et le béaba en place. Qu'est-ce que Les Impatients? Ben, Les Impatients, pour aller simplement, Les Impatients, c'est un organisme à but non lucratif qui offre des ateliers de création artistique à des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Et donc, en fait, le nom complexe, c'est la Fondation pour l'art brut et l'art thérapie. Donc, c'est vraiment de voir de quelle manière l'art peut contribuer, dans le fond, au processus thérapeutique ou... Exactement, mais vraiment l'art en termes de création et non en art et non en termes de thérapie par l'art. C'est-à-dire qu'on... C'est vraiment des ateliers libres où les gens viennent créer en toute liberté et sont traités de façon humaine, sont traités de façon comme des personnes, ce qui amène justement le bien-être au niveau de la santé mentale. Donc c'est une mission qui est nécessaire, qui a fait ses preuves et qui a un impact, j'imagine, aussi sur la vie, sur le parcours de ces personnes-là. Qui a un très bel impact sur ces personnes-là. Ça fait plus de 22 ans que Les Impatients existent et nous sommes maintenant, on prend de l'expansion d'ailleurs, nous sommes maintenant rendus à 7 ateliers différents, je m'en allais dire à travers le Québec, mais exagérons rien, disons dans la grande région de Montréal, un à Drummondville également et à Saint-Lambert, et nous sommes en pourparlers aussi avec Joliette, Sorel. Donc, on est vraiment en phase de développement. Il y a un besoin, et peu importe où le besoin est, on y va. Peut-être juste pour préciser une chose, il y a 450 participants. Je sais pas si c'est là où vous voulez y aller, mais il y a 450 participants par semaine qui vont dans nos ateliers. Et j'imagine que, comme beaucoup d'autres organismes qui œuvrent en santé mentale, il y a le défi de faire connaître le travail qu'on fait, mais il y a le défi aussi de continuer à travailler, à casser les stéréotypes, les idées préconçues qui sont associées à la maladie mentale. Oui, ça fait partie de notre mission, effectivement, la déstigmatisation de la maladie mentale. Et des projets comme ça, comme la bande dessinée, que ce soit Les Impatients ont fait des projets au fil des années, que ce soit les coffrets de lecture de 1000 mots d'amour, ou même on a un CD en ce moment de duo improbable fait par la tribu. Tous ces moyens-là, en plus d'être des moyens d'aller chercher de l'argent, sont des moyens extraordinaires pour déstigmatiser la maladie mentale. Et ça, doublé, j'imagine, aussi au fait que dans les ateliers de création, les gens créent, et donc on expose aussi les objets, les rendus, les relevés de ces créations-là. Donc, vous travaillez d'une certaine façon, et je reprends la formule qui repasse dans plusieurs entrevues, mais que je trouvais chouette, en fait, l'idée de rendre visible un peu une réalité qui, dans bien des cas, soit méconnue, soit carrément invisible aussi. Vous avez tout à fait raison. C'est aussi une des missions des Impatients, c'est de toujours faire participer les gens qui... En fait, les participants aux ateliers, les faire participer à des expositions, donc valoriser leur travail. Pour préciser peut-être un peu pour ceux qui connaissent moins, donc les Impatients ont fait des ateliers de création, mais il y a de la peinture, du dessin, de la bande dessinée, on fait de la musique également, des ateliers d'écriture, et on essaie de faire justement des projets comme ça ou d'autres, mais toujours en mettant en valeur les ateliers de création fournis aux Impatients. Et Mario Malouin, donc vous êtes arrivé par le biais de gens qui évoluent à la Fondation, qui évoluent dans l'organisme, et vous vous êtes engagé dans ce projet-là de création d'un collectif BD. Oui, en fait, l'origine de ça, là, c'est que je suis copain, ami, en fin de compte, avec le président du conseil d'administration, qui s'appelle Jean-Bernard Trudeau. Jean-Bernard, au fil des années, on a développé tous les deux... C'est quelqu'un qui... naturellement, son travail, il est médecin. Puis, c'est un travail qui l'occupe beaucoup. Et à ce moment-là, sa passion, qui est la bande dessinée, il n'a pas pu beaucoup la développer. Mais quand ça y arrive d'être capable de se procurer un album de BD puis avoir surtout le temps de le lire, c'est ce qu'il adore. Puis, il était tombé sur un de mes albums un jour. Puis, il est venu me voir en séance de signature. On a développé une amitié. Puis... avec le temps, il me parlait des Impatients, naturellement, très souvent. Puis il m'est arrivé un jour avec le premier CD des duos improbables. Puis moi, c'est drôle, instinctivement, je lui ai comme rétorqué, te connaissant, comment ça se fait que tu n'as pas passé de faire ça en bande dessinée? C'est-à-dire, jumeler deux personnes dans des duos pour construire un objet. Puis là, lui, il m'a lancé de faire une proposition. Fait que là, moi, j'ai réfléchi à la folie que je venais de lancer, là, puis j'ai essayé d'étoffer vraiment un projet qui a donné, curieusement, presque intégralement ce que j'avais pensé dès le départ. C'est-à-dire un album dans lequel on irait chercher des personnalités publiques, mais de toutes sortes de domaines. Il y a autant des médecins qu'il peut y avoir des avocats, qu'il peut y avoir des artistes, des animateurs, mais des personnalités qui, à quelque part, au travers de ma carrière, je savais qu'il y avait une certaine affinité avec la bande dessinée. Fait que j'ai offert à ces gens-là de m'écrire un petit scénario sur le thème qui correspondait naturellement aux Impatients, c'est-à-dire un moment d'impatience, qui est le titre de l'album. Puis le thème lancé, ils devaient me faire un scénario sur une page. Moi, ce que je leur promettais, c'est à partir du scénario qui m'était livré, c'est de leur faire dessiner par un professionnel. Je leur offrais pas de choisir leur professionnel. J'essayais, à partir du moment où le scénario entrait, je le décantais quelques jours, puis je me demandais à qui ça collerait le mieux. Puis, je suis pas trop déçu de ce que ça a donné au fin de compte. Non, c'est de s'assurer que la sensibilité mise de l'avant par ces scénaristes-là, dans certains cas d'un jour, dans d'autres, attachés à d'autres médiums. Certains aussi qui ont des expériences plus actives côté scénarisation BD. Donc, il y a une belle variété de ce côté-là. Oui. Mais de s'assurer qu'il y ait des gens qui puissent mettre en scène de la manière la plus adéquate possible la proposition qui était faite. Oui, puis étant donné que c'était un album qui offrait plusieurs histoires, en fin de compte, sur le même thème, bon, ben j'ai tenté aussi d'aller chercher des gens de divers horizons. Mm-hmm. Autant d'horizons de pensée que d'horizons de métier, enfin de ce qu'ils font dans la vie. Là. Je donnerai l'exemple, par exemple, de José Bournival, qui, depuis quelques années, est animatrice à Canal Vie, puis représente un peu la moment moderne, là, c'est-à-dire qu'elle a même rendu à écrire des œuvres sur la maternité. Puis comme moi, j'avais connu José dans une autre vie quand elle était animatrice culturelle, je lui ai offert la chose, puis bon sang, j'ai l'impression d'avoir fait le plus beau cadeau de sa vie. Là. Elle avait vraiment envie de participer à une activité pareille. Et on a des gens du côté musical, il y a des gens, vous l'avez mentionné, en fait, des gens qui sont des juristes, des médecins, et c'est intéressant de voir, en fait, j'imagine, de quelle manière eux adaptent un peu leur travail, leur expérience à ce médium-là, et j'imagine pour eux, ça doit être aussi, c'est vraiment se lancer dans le vide, de dire, bon, OK, on scénarise une page de BD, c'est pas évident, c'est un gros défi, même quand on est habitué à la chose aussi, de dire, OK, il faut que j'aie une histoire en une planche, là. C'est... Oui, puis en même temps, pour être honnête, là, je faisais quand même attention, j'y allais de façon respectueuse avec ces gens-là, mais je leur offrais dès le départ, s'ils se sentaient un peu précaires là-dedans, là, puis surtout, pour pas qu'ils se sentent intimidés, puis mm-hmm. qu'ils abandonnent, je leur offrais vraiment là, qu'on le fasse... Que je sois un peu leur coach. Oui, de pouvoir structurer les choses. Je faisais des relectures de leurs choses. S'ils me le demandaient, si le scénario entrait puis que la personne se sentait que c'était la version finale puis qui était la bonne, à moins vraiment de choses là, qui auraient été agressantes, pour moi, ça allait, c'était bien. Là. Après, c'était au dessinateur, parce qu'il y avait une deuxième étape de correction jusqu'à un certain point. C'est que je transmettais le scénario au dessinateur, puis lui pouvait entrer dans une discussion avec son scénariste. Mm-hmm. Je les mettais en relation. Puis à ce moment-là, il y a certains scénarios qui ont évolué pendant le temps où ils ont passé dans les mains du dessinateur. Mais en discussion avec son scénariste. C'était... un superbe centre d'ébullition. Là, c'était vraiment un bouillon là, de bande dessinée. Et dans les récits, dans les rendus, est-ce qu'il y a, certaines des histoires qui vous ont particulièrement surpris? Est-ce qu'il y en a que vous pourriez dire, ben ça, c'est sûr que, bon, les 21 sont chouettes, mais celle-là, particulièrement, c'est un coup de cœur? Et je lance aussi à Frédéric Palardy la question. Ben, moi, je trouve particulièrement drôle celle de Yves Lamontagne, qui est un psychiatre. Qui est très bien illustrée également, mais je pense qu'elle est particulièrement drôle. Oui, oui, oui, oui. Surtout celle-là, le docteur Lamontagne, qui est l'ancien président du Collège des médecins, j'ai transmis sa planche à quelqu'un que j'ai découvert. C'est Pascal Élie qui dessine la planche, puis Pascal, je ne le connaissais pas. C'est quelqu'un qui travaille dans le domaine, il illustre des magazines médicaux depuis une trentaine d'années. Il fait de la bande dessinée, de la caricature. Et le Journal du Barreau également. Et le Journal du Barreau également. Puis, quand on n'est pas dans ce domaine-là, c'est quelqu'un qui a un métier incroyable, puis je le connaissais pas. Alors que j'ai tellement côtoyé le milieu de la bande dessinée, là, je pensais pas qu'on allait me surprendre à ce point-là. Fait que lui a été une splendide découverte, là, vraiment, dans le sens d'un nouveau talent aussi, puis quelqu'un qui méritait qu'on lève le voile un petit peu sur lui. Mm-hmm. Là. C'est bizarre, il y a un très gros public, puis en même temps... Très spécialisé. Très spécialisé, monsieur Tout-le-Monde ne peut pas nécessairement le connaître. Ça, moi, je vous avoue, c'est une belle fierté. Là. Oui, puis en fait, au niveau des choix des BDistes aussi, vous avez été vraiment quand même dans une panoplie d'univers, en fait, des auteurs qui sont plus associés au fantastique, d'autres, des récits plus traditionnels. On a des gens qui ont été vraiment avec des trucs plus croquis, esquisses. D'autres, un dessin plus franco-belge typique, dessin plus caricature. Donc, on a quand même un bel éventail là-dedans. Oui, oui, oui. Je donnerai un autre exemple. Pierre Poirier, qui est l'auteur de la série L'Auberge du Chien Noir, qui est un type qui adore la bande dessinée, lui aussi, puis qu'on se connaît depuis plusieurs années. Pierre m'a transmis un scénario historique. J'ai été un peu surpris sur le coup, là. Mais en même temps, l'anecdote est très, très, très intéressante. Puis je me suis dit, ça prend un style rigoureux qui va très bien coller avec ça. Puis naturellement, j'ai pensé à Jacques Lamontagne, puis j'ai espéré qu'il y ait du temps pour être capable de le faire. Mais Jacques fait des choses justement très, très léchées, très surprenantes. Puis ben, il a trouvé le temps. Fait que quand la planche a été faite, je me suis retrouvé avec deux personnes terriblement heureuses, parce que Pierre Poirier, en l'écrivant, espérait que ce soit Jacques qui la dessine, mais il me l'a jamais dit. C'est bien à donner. Oui. Et tout ça, évidemment, c'est monté bénévolement. Pour les auteurs, ça représente quand même un bon travail, c'est une planche. Et pour vous, je pense que ça fait 2 ans que vous êtes là-dessus, à peu près. Oui, oui, oui. Oui, et je pense que pour les impatients, c'est extraordinaire. Je pense qu'il faut remercier... Premièrement, M. Malouin, avec tout le travail qu'il a fait derrière ça, vous pouvez vous imaginer 42 personnes impliquées, le travail que ça implique, les va-et-vient, en termes de courriel, en termes de communication. Et Mario Malouin acquiesce la tête. Effectivement, oui. Mais également les auteurs, les artistes, les scénaristes. On est très, très privilégiés que ces gens-là donnent leur temps. Parce qu'en même temps, j'imagine que vous êtes dans une situation aux impatients avec la quantité de gens qui disent ben, « appuyez-nous ». Un organisme comme le vôtre, il faut faire des trésors d'imagination pour aller solliciter l'appui du public. Et donc, avec des initiatives comme la BD, ben, c'est des moyens originaux de dire aux gens ben, « appuyez-nous ». Puis en plus, vous avez un produit original avec... quand même 42 talents qui ont mis leur travail pour l'organisme. Oui, il faut pas oublier, on a un partenaire financier unique dans ce dossier-là, c'est que Uniprix, dès le départ, s'est mis derrière nous, donc a fourni les dollars nécessaires là, pour... Ça coûte cher faire des produits comme ça, des produits de qualité comme ça. On a également Transcontinental et Prologue qui distribuent, parce que je pense que c'est important de noter aussi, toutes ces bandes dessinées-là vont être distribuées dans tous les Uniprix au Québec, à travers le Québec, et également en librairie. Et Schuling, d'ailleurs, en fait, si les gens veulent mettre la main rapidement là-dessus, aussi aller à la rencontre de M. Malouin, aller à la rencontre d'un peu tout, une partie des auteurs, en fait, vous allez être une quinzaine à peu près, samedi, donc 8 novembre, à l'Imaginaire, donc à Place Laurier-Québec, je me trompe encore de nom, donc à partir de 13h, Et jusqu'à ce que mort s'en suive, pourrait-on dire. Ouais, on va essayer de survivre. Alors, on peut avoir, on peut en sortir avec un album quand même assez bien coloré, parce que c'est une quinzaine de dédicaces. Oui, ça peut être intéressant. Vous l'avez fait à Montréal et ça pouvait donner des résultats comme ça. Ça a été splendide comme expérience, vraiment incroyable. Alors, je lance l'invitation et la BD donc s'appelle Un moment d'impatience. C'est disponible donc et ce sera disponible dans tous les Uniprix, entre autres. Et c'est disponible dans tous les Uniprix, également dans les librairies. Et demain à l'Imaginaire, venez en grand nombre. Il y a vraiment plusieurs dessinateurs et scénaristes qui seront là. Je pense que ça va leur faire plaisir de vous rencontrer. Alors, Mario Malouin, donc coordonnateur du projet, dessinateur, scénariste, merci. Frédéric Palardi, donc directeur général de la Fondation des Impatients, merci également. Merci. Merci beaucoup. C'est toujours l'écoute de La Vie en BD, votre magazine dédié au 9e art. On retrouve tranquillement au fil de l'automne nos collaborateurs. Enfin, on a eu tellement un début d'automne chargé, tellement de sujets. Alors, on a eu un peu moins le temps de s'attarder aux nouveautés BD. Et on va se rattraper au fil des prochaines semaines. On se rattrape, entre autres, avec le coup de pouce de nos collaborateurs. Et parmi ceux-ci, Stéphane Gravel, qui est avec nous au bout du fil. Bonjour. Allô, allô. Ça va? C'est comme si on est le contraire de hiberner. Oui, effectivement, on en sort l'hiver. C'est quand on gèle qu'on lit la BD. et Stéphane, en fait, pour replonger un peu là-dedans, on va lorgner un peu du côté de réédition cette semaine. Oui, parce qu'il y a des albums qui passent un peu et qui parfois inaperçus puis qui disparaissent vite sur les tablettes et puis de plus en plus on voit des rééditions. Exemple, le journal d'un fantôme de Nicolas de Crécy chez Futuropolis. Écoute, cette BD-là est une BD vraiment exceptionnelle. Moi, j'aime beaucoup. Comme plusieurs, j'aime beaucoup de Crécy. Dans cette histoire-là, c'est l'histoire de quelqu'un qui fait un voyage en Asie, puis qui rencontre des personnages qui sont fantastiques, dont le dit fantôme. Et puis c'est extrêmement philosophique, extrêmement touchant. Et le trait de cette BD-là est extrêmement particulier parce que habituellement, on a tendance à voir des crécis avec beaucoup de travail au niveau de la couleur et puis avec cette BD-là. Mais c'est vraiment le trait de son crayon, le trait de sa plume qu'on sent. Là, c'est une BD qui semble être griffonnée sur le coin de la table. C'est une BD qui est qui est un hommage au manga moderne aussi, okay, de la bande dessinée. C'est en même temps un regard sur le monde asiatique, sur cette façon-là de faire la BD, sur des rencontres, sur un peu récit de voyage, si on veut. Mais c'est que c'est tellement mélangé de féerie et de poésie que je suis pas capable de dire qu'est-ce qui pourrait être vrai, qu'est-ce qui pourrait être faux là-dedans. Mmh. On se laisse plonger dans l'ambiance, dans l'esprit de la série, puis ces genres de récits, on embarque à 100% dedans parce qu'il y a une cohérence dans la manière de présenter, de proposer les choses. Oui, absolument. Puis le dit fantôme, là, le personnage à la fois secondaire et à la fois personnage principal de BD, c'est une quête en même temps pour décrire, c'est une quête de l'absolu au niveau du trait. Et Il essaie de faire un personnage qui est extrêmement épuré, comme les personnages qu'il voit dans l'iconographie japonaise. Il se demande comment ils font pour y aller à l'essentiel d'un trait, pour réussir à avoir un sentiment. Mais ça n'a pas de bon sens. Le personnage, il devient, c'est une boule de watt. C'est même pas, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de... Mais il réussit à parler, il réussit à convaincre, il réussit à nous faire réfléchir. Vraiment, là. Moi, c'est une de mes BD coup de cœur dans les dernières années, cette BD-là. Là. Puis quand j'ai relu la nouvelle édition, je suis tombé dans un monde dans lequel j'ai vraiment adoré. Là. Et on passe à un autre titre après donc ce journal d'un fantôme de Crécy. Et un petit 3 minutes peut-être pour nous parler du constat de Davodeau. Davodeau fait de plus en plus de la BD que je trouve que c'est un auteur extraordinaire. C'est quelqu'un qui réussit à raconter de façon exceptionnelle. C'est avec les ignorants, là, il fait une BD documentaire. C'était magique, là. Qui est extraordinaire parce que je trouve qu'il revoit un peu la façon de raconter. L'une de ses premières BD, Le Constat, est j'allais dire un road movie, mais ça fait drôle de dire ça pour une bande dessinée. Un road BD. Un road case. C'est ça. C'était paru chez Dargo. Et puis, là, Dargo réédite cette BD-là. Et tant mieux, parce que je pense que je suis pas convaincu que c'est une BD que beaucoup ont eu la chance de voir, parce que c'était un peu une BD près d'Avodo. C'est pas, je veux pas faire une vente de Pink Floyd, là. Je sais qu'on sait qu'on va avoir un disque pré-Pink Floyd, post-Pink Floyd. Mais, encore une fois, c'est une BD comme Davodo sait les faire. C'est une BD dans laquelle il y a beaucoup de sentiments humains, dans laquelle il y a beaucoup d'idées politiques, d'idées sociales. Puis, ce constat-là, qui est l'histoire d'une quête d'une jeune fille et d'un homme, là, c'est vraiment extraordinaire. Ça se lit comme tout Davodo. Oui, enfin, on pourrait avoir l'impression, des fois, dans des premiers ouvrages, qu'on trouve une version un peu moins maîtrisée d'un auteur qu'on apprécie de par notamment sa production récente, mais le constat reste que c'est quelque chose de très achevé, où on sent Davodeau qui est quand même en maîtrise de son médium. Oui, on est dans... on est vraiment dans ce qui fait de meilleur, là, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler... ce qu'on pourrait appeler un peu l'errance humaine, là, c'est vraiment qu'il y a quelqu'un qui va errer dans sa quête, un peu comme Lulu Femme Nue, qui est une BD qui est à la fois polar et à la fois aventure, mais dans laquelle on a encore une fois l'introspection d'une femme sur sa quête de liberté. Le constat, c'est aussi ça, là, c'est la place de la force d'une relation entre deux personnages par rapport à tout ce qu'ils ont pu avoir vécu dans leur passé. Puis là, Davodeau, il est exceptionnel, là. Encore une fois. Ben, en fait, c'est je veux dire, faut que ça préfigure à quelque part. Il peut pas avoir écrit Lulu Femme Nue de nulle part non plus. C'est un truc aussi abouti en termes de psychologie, de quête de réflexion, de quête de soi. C'était je veux dire, ça frisait à la perfection, cette BD-là. Je pense que quand on parle d'auteur de bande dessinée avec le vrai titre d'auteur, c'est-à-dire quelqu'un qui a une constante à l'intérieur de son œuvre, Davodeau fait certainement aujourd'hui. Là, puis il commence à en avoir fait pas mal de bande dessinée aussi. Puis il fait des choses qui sont toujours remarquables. Déjà, Liquiloche, c'était une BD qui était parue chez Futopolis, qui était intéressante, qui était un petit peu dans le même esprit aussi, où les gens ont une quête, où les gens se demandent s'ils doivent aller, où ils vont aller, qu'il y a toujours un questionnement à l'intérieur de leur personnage, qui fait qu'il y a une autre dimension, je trouve, que la bande dessinée peut offrir. On peut pas s'attendre à ce qu'une BD ait... Des fois, on dit qu'il y a... On parle souvent de la BD pour enfants ou comiques, mais quand on lit du Davodeau, on se rend compte qu'il est vraiment troisième dimension, une dimension psychologique à ses personnages dans ses BD. Et ça, il fait un coup de maître. Alors voilà, donc clin d'œil, et on invite les gens à remettre la main sur le constat d'Étienne Davodeau. Stéphane Gravel, nous on se dit à très bientôt, dans 2 semaines. OK, super. Salut bien. De ne pas avoir des affaires. Exactement. Ciao. Alors voilà, donc Stéphane Gravel et ses commentaires BD à venir dans l'émission. On va parler donc d'un concert dessiné également, Michel Giguère qui nous dresse le portrait de 5 auteurs incontournables. Depuis 2008, la mesure Première Ovation aide les talents émergents du Québec en leur donnant les moyens de créer, de profiter d'encadrement et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Couvrant 8 disciplines artistiques, les actions de Première Ovation contribuent également à une meilleure diffusion des créateurs et favorisent l'accès au spectacle de la relève. Découvrez les programmes offerts sur premièreovation.com. Inni, maman. Ludo, la lu. Lili, le lit. Oh, merci. Lucas, le lira. Grâce à la lecture en cadeau, des milliers d'enfants défavorisés auront accès à un livre neuf, souvent pour la première fois de leur jeune vie. Achetez un livre jeunesse et déposez-le dans une boîte prévue à cet effet dans une librairie participante. À la Fondation pour l'alphabétisation, nous croyons que qui a lu, lira. Plus de détails sur lalectureencadeau.org. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez... Antitube, Le Dominion de Seth et Un chemin avec Edmond Baudouin. Birdman, Gemma Bovary, Geronimo, Henri Henri. L'Opéra National de Paris présente Le Barbier de Séville. RIDM à Québec, Stop Making Sense. Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Aussi, à ne pas manquer au Musée de la Civilisation... Geronimo et Gemma Bovary. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes-annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Mettez-vous de l'argent de côté pour la retraite? Ah, j'essaye, mais... Mais c'est pas toujours facile. Paye ci, paye ça. Au bout du compte, moi, j'ai tout dépensé. Sauf que... Bonne nouvelle! Le Québec a mis en place pour tous les travailleurs... un nouveau régime d'épargne-retraite. Ça s'appelle le régime volontaire d'épargne-retraite. Comme ça va être plus facile de mettre de l'argent de côté. Employeur, pour offrir une meilleure retraite à vos employés, informez-vous à rver.gouv.qc.ca. Un message de la Régie des rentes du Québec. Pour une troisième année, la Ligue québécoise d'impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels. L'impro BD, c'est un spectacle unique unissant jeux, dessins et musique où tout est mis en place pour tirer le maximum du talent et de l'imaginaire des joueurs. Prochain match, dimanche 23 novembre, 20h, au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$. La Ligue québécoise d'impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. CKRL. Vous êtes sur les ondes du 89.1, la vie en BD qui se poursuit jusqu'à 18h30. Raymond Poirier toujours avec vous. Et je vous rappelle d'ailleurs, si vous voulez réécouter les éditions de la vie en BD des dernières semaines et dernières années, eh bien c'est possible via le blog WordPress, donc lavieenbd.wordpress.com. Et ben on parlait d'événements, on est en plein dans des événements, c'est le thème véritablement de notre deuxième demi-heure d'émission. Et l'un d'entre eux, eh ben c'est jeudi le 13 novembre prochain, c'est au Tam Tam Café, c'est un concert dessiné, lancement d'album et lancement également de recueil de dessins sous la thématique Godzilla versus Poutine, donc deuxième album de la formation de Québec Rob Bob. Alors pour nous en parler, ben on a le fondateur du groupe Robert Rebzelge, j'ai bien prononcé? Oui, c'est bien. Et la dessinatrice Catherine Lemieux, bonjour à vous. Allô, bonsoir. Salut Ramon. Alors, Robert, peut-être, première question, en fait, qu'est-ce qui t'a amené à avoir envie d'explorer, dans le contexte du deuxième album, l'univers aussi de la bande dessinée et de faire un peu ce pont-là? En général, dans ma tête, ça se passe comme dans un cartoon. À peu près, c'est très influencé, la façon que les choses se déroulent. Donc, ça se reflète un peu dans mes paroles et... l'année passée, j'ai chanté la tune Night of the Living Bread, qui est une de nos tunes plus populaires. On l'a chantée pour la première fois en public au Sacrilège, puis il y avait un gars qui m'a écrit une couple de semaines, peut-être une semaine après, m'a envoyé un beau dessin, là, c'était Marc Raymond. Et, ah, wow, c'est beau, là, puis je regardais ça, puis c'est drôle, mais il y avait un impact de mes autres chansons que j'écrivais par la suite, c'était comme des histoires, t'es encore plus BD-esque. Donc, ça allait ensemble. Là. Moi, c'est déjà assez imagé comme parole. Oui, donc l'idée, dans le fond, d'essayer d'imaginer à travers la composition de chansons, à la limite des mini-scénarios, parce que c'est très basé, en fait, ton répertoire, c'est beaucoup des courtes histoires, justement, des anecdotes, des faits humoristiques, etc., inventés, évidemment. Oui, oui, ben, c'est une façon de présenter l'album sous un autre aspect aussi, avoir quelque chose pour les yeux, puis aussi mettre plus d'emphase sur le fait que je compte des histoires aussi. Donc, il y a plusieurs façons de les compter. Et tu m'avais déjà dit à un moment donné que dans le premier album, tu n'avais jamais fait d'album. Et donc, dans le deuxième, mais comme tu avais déjà fait un album, tu t'es dit, ben OK, on va faire une BD. Oui, c'est ça. Il faut que je me risque, là. Il faut que je me pitche dans la vide. C'est ça qui... Ouais, c'était un peu la peur de me planter aussi. Là. Ça peut toujours arriver et ça fait partie du processus créatif, c'est sûr. Mais aussi le défi d'aller au-delà et de créer quelque chose qui à ma connaissance, ça n'a pas existé, un projet comme ça, mais ouais. Si je me trompe, j'aimerais savoir c'est quoi, là, s'il y en avait d'autres, parce que ça va très bien, les deux ensemble. Et Catherine, le mieux de ton côté, justement, avec le concert du 13, tu vas avoir essentiellement illustré avec Alex Garou les 9 pièces dans le fond de l'album. Robert parlait de mini-scénario, de mini-histoire. Est-ce que ça donne un cadre, une manière d'aborder, justement, ces pièces-là au dessin? Ben c'est sûr et certain. C'est déjà que si on prend certaines chansons qui sont assez imagées, ben c'est sûr que c'est comme si on avait déjà la petite histoire que OK, ben on va savoir concrètement ce qu'on va pouvoir faire, comment s'amuser avec le sujet. Donc c'est sûr que même pendant l'élaboration du projet, on a eu quand même beaucoup de plaisir à avoir ça. Puis ouais. Ça devient presque un travail d'illustration dans le fond de l'histoire plus que. Ben voilà, c'est ça exactement là. Et comment on présenterait cet univers-là? Parce qu'en même temps, juste, je pense, le titre de l'album donne une certaine couleur. On a l'impression d'être dans le délire, dans l'humour, dans l'absurde. Ça s'appelle Godzilla versus Poutine. Oui, et j'espère que ce sera un futur scénario d'un film de série B là, qui va sortir de Limoilou à un moment donné. Mais oui, je cherchais une chanson sur la Poutine parce que c'est un sujet digne de mention quand même. Et je sais pas, c'était comme dans un... c'était la journée qu'il y a eu le feu sur la 3e avenue ici, quand les fourrures Falardeau ont passé au feu, puis il y avait six appartements aussi. C'est une ambiance d'apocalypse dans le quartier. Oui. Il y avait plein de monde, c'était bloqué partout, des camions de pompiers, des colonnes de fumée qui sortaient. Puis en plus, c'était, on s'en rappelle, l'hiver passé, c'était très glissant aussi. J'ai jamais eu autant d'amis qui se promenaient en béquille après s'être plantés là, sur la glace. Donc, j'essayais descendais de la haute ville, là, j'avais mon ukulélé, j'essaie de naviguer à travers toute cette scène-là, puis j'arrive dans ma ruelle, devant la porte, whoop, je pogne une plaque de glace, crack, je tombe, ben, le crack, ben, heureusement, c'était juste mon ukulélé, mais quand même, c'était assez, assez percutant, comme retour à la maison, puis j'ai pensé, ah oui, ça, il va y avoir une chanson qui sort de ça, c'est certain, là, puis deux jours après, Godzilla contre Poutine. Poutine, en fait. Pas Vladimir Poutine. Non, c'est ça, la bouffe à proprement parler. Oui, parce que ouais, y en a une qui est plus digeste que l'autre, mettons. Là. Et une pièce comme ça, comment on l'a abordée, par exemple, au niveau du dessin pour le concert? Ben, au niveau du dessin, comme on l'a dit tout à l'heure, vu que c'est quand même assez, assez dynamique, c'est très narratif et tout, il y a certaines histoires que, justement, peut-être pour garder l'aspect dynamique, justement, de... Godzilla versus Poutine, on voulait proposer peut-être des choses qui vont au-delà du dessin comme plus traditionnel, donc essayer d'apporter un petit peu soit de mouvement, apporter aussi d'autres éléments, soit du collage, soit des petits éléments de bricolage aussi, là. Donc on voulait vraiment s'amuser avec ça, quoi. Oui, puis j'imagine, en fait, quand on travaille à illustrer quelque chose d'humoristique, d'absurde, de délire, ben faut aussi se mettre dans l'ambiance au dessin. Ben, il y a ça, exactement, là, puis en tout cas, j'ai quand même très hâte, vu qu'on va pouvoir s'en permettre puis s'amuser avec ça, justement. Donc, ouais. Fait que t'apportes ta colle et pas juste tes crayons, comme on dit. Et voilà. Tout. et Robert Rebzel, l'album de Robert m'a fait Godzilla versus Poutine. T'as mentionné tout à l'heure aussi Night of the Living Bread, donc la nuit du pain vivant. Oui. Y a plusieurs autres pièces aussi qui sont comme ça autour de l'univers culinaire. Est-ce que c'est une thématique qui s'est imposée naturellement? Oui, parce que je voulais être commandité par la MAPAC, mais ça n'a pas marché. Mais il y a un peu d'angoisse, c'est comme des catastrophes culinaires, une avalanche de frites et de crottes de fromage qui engloutit toute une ville. Un pain qui revient, qui ne meurt jamais. Mais aussi, il y a le côté rassurant de la nourriture aussi. Là. Il y a les pâtes, de la nostalgie aussi. Il y a des goober peas aussi qui réconfortaient des soldats sudistes à une certaine époque. Donc, on explore beaucoup de relations avec la nourriture, mais celles qui sont plus frappantes, c'est peut-être la nourriture comme force de la nature un peu destructrice. Oui, potentiellement, donc. En tout cas. Il y a toujours un danger qui rôde quelque oui. part. Là. Ouais. Comme on dit, manger ou être mangé, dog eat dog, etc. Ouais, etc. Et en même temps, ça, j'imagine que ça donne un deuxième niveau aussi aux pièces, un deuxième niveau de délire aussi, où dans certains cas, ben comme la pièce que tu mentionnais, Goober Peas, on est quand même dans quelque chose d'historique. Oui. Donc là, ça nous amène un peu dans un autre registre aussi, j'imagine, autant au niveau de la chanson, autant au niveau du dessin, on est quelque chose entre guillemets de plus sérieux. Ben, ça se peut, mais en même temps, c'est juste parce que la chanson date de 150 ans, je l'ai trouvée, puis je trouvais les paroles là, aussi niaiseuses que ce que j'écrivais moi-même, là, puis j'ai repris la chanson sans jamais avoir entendu une version. J'avais juste entendu, il y avait une référence à la chanson que j'ai vue dans une BD aussi, un BD de Robert Crumb, je pense, qui aime beaucoup la vieille musique, la musique des hillbillies, la musique acoustique aussi. Donc, je voyais ça, Goober Peas, je vais chercher ça. Ah, oh, ok, oui, ça existe, ok. Il va aller chercher les accords. Ah, oh, ok, va chanter ça. Ah, ben là, on a une nouvelle chanson. Puis, c'est vraiment comme, c'est un genre de slang. Je sais pas pour quelle raison cette chanson a duré si longtemps. Mais elle a duré. Elle a duré. Elle va continuer à durer. Des poids, comme le pain vivant, là, c'est éternel. Ouais. Grâce à toi, ça va rester éternel, ça y est. Ouais. Et Catherine, est-ce qu'on l'aborde différemment, cette pièce-là, avec le côté historique, ou on tombe dans le délire de la balance? Ben regarde, tant qu'à rester dans le délire, on va s'amuser là-dessus aussi, jouer sur les contrastes aussi, pour pas tomber dans le trop sérieux, créer quelque chose de dramatique dans le spectacle. Il n'y aura pas de ça, là, donc... Et quand même, avec 9 pièces à illustrer dans le contexte d'un concert, donc une à la suite de l'autre, est-ce que, j'imagine, ça implique aussi pour vous, pour toi, puis pour Alex Carreau, le défi de la variété? Là? Ben c'est ça, justement, comme ça a été dit tout à l'heure, pour pas tomber tout le temps, tomber tout le temps comme au-delà du dessin traditionnel, tu sais, on veut quand même assez garder une cohérence quand même avec le rythme de certaines chansons, le délire aussi de certaines pièces, là, donc c'est sûr qu'à la variété, c'était quand même important au niveau de la technique, assez de varier aussi, avoir des parties, soit qu'on va être en duo, Ouais, un peu comme il faut avoir une alimentation variée au bout du compte, donc voilà. On reste dans la bouffe. Oui, ben, j'ai aussi les cornichons aussi, comme bouffe comme... point de contact culturel aussi. On était marqué par la culture de la friture dans le sud des États-Unis. On a fait un voyage avec quelques membres du groupe et des amis à New Orleans pendant une semaine. Puis c'était, il y avait de la friture un peu partout, mais c'est celle-là que j'aimais le plus. Donc ça doit être. On a essayé de créer un genre d'ambiance foraine aussi, de fête digne de la Louisiane aussi. Là. Ouais. On le voit dans le dessin aussi. Ça dégénère pas mal. Là. Ah, ben c'est sûr. Surtout qu'on parlait de cette chanson-là, sans vouloir faire de spam ou dévoiler quoi que ce soit. Ben, il y a certains éléments qui vont déjà être préparés à l'avance. Cette chanson-là, par exemple, on va avoir comme des. Il faut les faire mariner avant. Ah, oui, c'est vrai. Hein? Donc, presque l'animation. Faut y être pour le voir. Oui, ben en fait, puis justement, c'est le 13 novembre, c'est entrée libre, donc invitation at large, comme on dit en anglais. Oui, entrée Limoilou libre. Au Tam Tam Café, sur la rue Dorchester, c'est à 20h, et on va avoir possibilité de mettre la main sur des versions physiques ou virtuelles de l'album, sur des versions physiques du recueil de dessins aussi qui l'accompagnent, et de découvrir, si ce n'est déjà fait, l'univers déjanté, donc du collectif Rob Bob et Limoilou libre. Oui, et aussi la sauce dame, aussi, qui va être disponible. La sauce faite par notre joueur de Lap Steel, Jean-Sébastien Gauthier. Alors, ben, l'invitation est lancée. Oui. Robert Hebzelge, Catherine Lemieux, merci à vous deux. Merci, bonne soirée. Et je le rappelle, donc, c'est mercredi, jeudi prochain, si les gens veulent avoir un peu plus d'informations. D'ailleurs, on a relayé sur le blog de La Vie en BD, donc lavieenbd.wordpress.com. Et voilà, petit extrait, donc, toujours de la formation Eltron, un album que vous pouvez trouver sur l'étiquette web 8-Bit People. Et ben, maintenant, on met la table. Enfin, on parlait de jeudi prochain, mais vous pouvez véritablement avoir une semaine en BD, avec également mercredi prochain, donc le 12 novembre, les rendez-vous de la BD qui propose une rencontre sous le thème « 5 scénaristes en béton ». Et comme à l'habitude, ben, on met la table en route vers cette prochaine rencontre et on la met en compagnie de Michel Giguère. Bonjour. Salut Raymond Poirier. Et Michel, en fait, c'est quand même, j'avoue, quand j'ai vu ta programmation pour 2014-2015. C'est ce recul dans le temps. disons qu'on parle peu des scénaristes en BD. On dirait, ouais, que c'est un peu même, on apprécie le dessin, on critique le dessin, on le commente, mais les scénaristes, eux, qu'en est-il? Donc, c'est assez rare qu'on leur consacre une activité comme ça. Oui, ben en fait, moi, j'ai puisque tu recules dans le passé, je vais me permettre de le faire aussi, mais j'avais préparé quelque chose sur Goscinny qui avait un sujet sur lequel il y avait tellement de matériel que finalement, ça a fait l'objet de deux soirées entières. Mais autrement, c'est vrai que dans les festivals, on est bien plus intéressé à inviter des dessinateurs parce que ce sont eux qui font les dédicaces, ce sont eux qui suscitent des files d'attente. Et c'est aussi, faut bien le dire, eux qui laissent leur marque directement sur la planche, sur les pages d'un livre qu'on va feuilleter. Fait qu'ils ont comme un contact direct avec le lecteur. Ils se font intermédiaires entre le conteur, entre celui qui a imaginé les personnages, en tout cas, tout au moins leur vie, leur aventure, puisqu'ils n'ont pas inventé leur physique, là. Alors, tout ça pour dire que néanmoins, il reste que les lecteurs de bande dessinée, bien souvent, vont être vraiment accrochés par des histoires racontées par un scénariste. C'est sûr que, à prime abord, je le vois très bien en bibliothèque depuis toujours, les gens passent devant des présentoirs, on en a en abondance, des présentoirs de suggestions de lecture. Et pour ce qui est des BD, ils font quoi? Ils lisent même pas la quatrième de couverture, là. Ils prennent, ils regardent la couverture, ils feuillettent 2-3 pages maximum. Ils font juste regarder vraiment furtivement les images. Ça me plaît pas. Ça se joue là, c'est pas long. En fait, les images, c'est le premier contact. Ouais. L'histoire, c'est celui qui va t'amener, te ramener à la BD c'est par ça. Après. Sur le long terme, le dessinateur, là, avec une histoire poche, là, ce que ça fait, c'est que la personne, le soir qu'elle voit ça sur le présentoir, emprunte l'album ou l'achète à la librairie. Et ça c'est va fini. S'arrêter là. Elle va commencer à le lire, puis si elle finit, ça lui donnera pas le goût de... Oui. Bref, tout ça mais pour dire fait, que les gens aiment les bonnes histoires. Oui, ben, même inversement, en fait, j'ai presque envie de faire le pont avec une discussion qu'on avait avec Trondheim, mais reste que on peut avoir un scénario très fort en BD avec un mauvais dessin et ça survit mieux, entre guillemets, ça vit mieux, ça crée plus de proximité qu'un dessin très beau avec une histoire très faible. Si ça passe le cap du... Ah, ouais. Tu sais, ça ne m'attire pas, ces dessins-là. Et c'est même pas juste une question... oui, parfois, le dessin est maladroit, mal exécuté, avec des problèmes de proportion, une raideur ou tout ce que tu voudras. Il reste que d'autres fois, c'est juste que c'est esthétiquement parlant, ça correspond pas vraiment à nos goûts. Or, les goûts, moi, j'ai toujours dit, particulièrement quand je fais affaire avec des clientèles plus jeunes, c'est un muscle. Et le muscle, si tu t'entraînes, si tu le pousses toujours un peu plus loin, au début, c'est pas évident. Puis à un moment donné, tu te rends compte que ton muscle gagne en souplesse et en force, puis ton spectre s'élargit, si bien qu'à un moment donné, t'en viens à lire un tas de choses dans un tas de styles qui auparavant te plaisaient pas, puis que tu rejetais du revers de la main. Moi, le premier, ça m'est arrivé, puis ça m'arrive encore. Mais Michel, en fait, profitons aussi de ton expertise de professeur de bande dessinée. C'est quoi un peu, sommairement, là, qu'est-ce qui caractériserait une bonne histoire pour toi? Ouch. Grande question quand même. Oui. Écoute, c'est une super bonne réponse. Une bonne réponse, super bonne question. Oui, voilà, j'ai évalué la qualité de la réponse, Michel. Question suivante, s'il vous plaît. Non, mais il y a des gens qui aiment être surpris. J'apprécie, mais pour moi, c'est pas une condition sine qua non. Tu peux m'amener quelque chose qui correspond aux critères d'un genre, aux codes de certains genres. Et ça va me plaire si c'est une coche au-dessus, si c'est vraiment, vraiment bien construit, bien rythmé. Donc, il y a plein de critères qui rentrent en ligne de compte. Puis, pour ce qui est d'un scénariste, on ne sait jamais, quand il fait équipe avec un dessinateur, on ne sait jamais qui, dans ce tandem-là, s'est prêté à l'exercice du découpage de l'histoire en un certain nombre de cases. De la mise en scène, c'est-à-dire pour chacune des cases, on organise ça comment? Tu sais, la caméra, entre guillemets, on la place où? Et parfois, c'est le scénariste qui va vraiment suggérer ça. D'autres fois, ça va être le dessinateur qui va se charger de tout cet aspect visuel-là, de mise en scène, de mise en page. Et puis, tout ça, ça joue aussi au-delà de la simple histoire. Mais c'est sûr que moi, j'aime beaucoup quand ça nous amène ailleurs. Ou alors, quand il y a un souci, peut-être un petit peu, de déconstruire une histoire pour nous la raconter autrement qu'en ordre chronologique, pour nous tenir en haleine, nous faire poser des questions. J'aime bien me faire mener en bateau. J'aime bien quand je sais pas trop où s'en va le bateau et qu'on me le dit. Il faut qu'on me le dise à un moment donné, par exemple, avant la fin. C'est pas toujours le cas, là. Mais dans ce que j'ai lu pour me préparer en fonction de la soirée de mercredi qui vient, là, je peux te dire que j'en ai eu de toutes les couleurs. Évidemment, j'ai choisi 5 scénaristes que j'affectionnais particulièrement et j'avais conséquemment lu plein de titres qu'ils ont déjà publiés. Mais il y en a que j'avais pas encore lu parce que, tu le sais, on le dit à peu près à chaque chronique, la production est telle que n'importe quel maniaque, toi, moi, n'importe qui, on n'est plus capable de suivre. Puis même à la limite, en fait, j'ai envie de dire, les scénaristes sortent plus d'albums que les dessinateurs. C'est un peu moins long de scénariser que de dessiner. Fait que si on décide de suivre un scénariste ou de retourner ou d'en suivre 5... Puis moi, la grosse nouille qui prend la résolution de choisir des thèmes qui me demandent moins de travail parce que c'est de la folie furieuse... Quand je reçois un invité, tu sais, faut que je lise, je me fais un point d'honneur de lire ou de relire toute leur œuvre dans son entièreté. Mais c'est quand même un auteur, tu sais. Là, je mets ça au programme, 5 scénaristes. Ben oui, crétin. Fait que là, j'ai dû me farcir en un mois 5 œuvres à peu près complètes, là. Mais waouh, c'est un après l'autre, là, c'est comme une compile des meilleures tunes, tu sais, de tes tunes préférées. Oui, mais en fait, c'est reste, on parle quand même de Fabien Nuiry, de Jim, de Denis Lapierre, de Zentner, de Zidrou. Ouais. Et ce qui, dans bien des cas, ce que je trouve fascinant, c'est de voir à quel point ces scénaristes-là sont capables d'exploiter différents genres, différents styles. Absolument. Puis finalement, de venir un peu nous surprendre aussi, parce qu'ils se cantonnent pas dans un type d'univers précis, ou sinon, ils l'exploitent dans des multiples facettes. Je dirais qu'il y a Jim, où est-ce qu'il y a plus... C'est pas un défaut, on ne lui en fait pas le reproche. Il y a une espèce de cohésion dans son œuvre. Lui, il se penche vraiment à travers plusieurs titres. Il se penche sur la psychologie de personnages, mais vraiment avec un ancrage sociologique très fort. C'est comme le portrait de sa génération dans toutes sortes de situations, par rapport à la vie de couple, une mère célibataire, la réalité de la vie d'un adolescent, ou être père quand lui, bon, par rapport au fait que lui, il a une toute petite fille, la crise du mi-temps de l'âge, tu sais, des hommes quand ils pognent la quarantaine puis que ça leur démange. Fabien Nuiry, on pense a priori que oui, il est dans la bande dessinée plus conventionnelle, grand public, aventure, tout ça. Mais quand même, avec des trucs comme la mort de Staline, où il était une fois en France, il y a un ancrage historique et politique. Puis ça reste éminemment grand public, mais ça, j'adore ça. Ça revient à ce que je disais tantôt. C'est pas étonnant, ça nous surprend pas. C'est pas si original, mais wow, c'est vraiment une coche au-dessus, et le risque avec des gens comme moi qui en lit beaucoup, c'est de regarder ça et de penser que c'est très convenu, puis de même pas me donner la peine de le lire. Mais heureusement, avec, par exemple, Il était une fois en France ou La mort de Staline, j'ai commencé, puis ça m'a vraiment fait une espèce de révélation. Quelle bonne histoire. Mais t'as tout à fait raison. Pour ce qui est des autres, là, Denis Lapierre, surtout Zidrou et Denis Lapierre, qui sont les deux Belges de la bande, c'est une diversité de sujets, de thèmes, de tons, une diversité aussi dans le choix de leur partenaire qui fait le dessin, là. Ça va dans toutes les directions. En fait, on s'étonne en tant que lecteur, à un moment donné, de prendre note du nom du scénariste et de se rendre compte, ah ouais, c'est lui, ça aussi c'est lui. C'est vraiment surprenant. Et Zentner, c'est un extraterrestre, ça, c'est complètement autre chose. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, dans le fond, ils n'ont pas de recette non plus, ce qui vient peut-être les distinguer. T'sais, ils n'ont pas un modèle qui répète ad hoc. Non. En tout cas, s'ils réussissent une recette, ils essaient de ne pas la refaire puis de faire autre chose. Et donc, mercredi qui vient, donc je le rappelle, le 12 à 19h à la Bibliothèque Gabriel Leroy, Michel, on les explore et on comprend pourquoi, dans le fond, ce sont des scénaristes dignes de mention, pourquoi ça vaut la peine ou il faut explorer leur œuvre. Entre nous, c'est une grosse soirée de suggestions de lecture, images à l'appui, planche projetée sur écran. Et ça sera pas redondant parce qu'on l'a dit, ça va dans toutes les directions. Donc, s'il y a des noms qu'on a nommés qui vous disent quelque chose, venez. Si ça vous dit rien pantoute, raison de plus. Alors, l'invitation est lancée. Michel, on se dit à mercredi et on se dit au mois prochain. C'est vrai. Et ben nous, on se dit, chers auditeurs, auditrices, à la semaine prochaine. Alors, ben passez un bon week-end sur les ondes du 89.1 CKRL. C'était Raymond Poirier au micro. Et dans quelques instants, on laisse l'antenne à Swing Out.